Chapitre 13e. Elle ne le vit point et, sans regarder autour d'elle, elle traversa le salon pour gagner sa place. Sa mère marchait sur ses talons, portant dans le pli de son bras un volume à couverture rose. Un gardien s'empressa de lui apporter un tabouret, une boîte et un long rouleau de toile cirée qu'il étendit sur le parquet. Alors elle défit son mantelet et, l'ayant posé sur un barreau du tabouret, elle ouvrit sa boîte avec une petite clé suspendue à une chaîne et se mit au travail. Pendant ces préparatifs, Adolphe n'avait pas quitté sa place, profitant de la bonne fortune que le hasard lui apportait. Elle paraissait si attentive à son travail qu'il n'était pas probable qu'elle tournât les yeux de son côté. Quant à Madame Nélis, elle s'était assise sur un pliant au pied de l'échelle sur laquelle sa fille était montée, et elle s'était plongée dans son volume rose. On ne voyait d'elle que les plumes de son chapeau, qui de temps en temps frémissaient, agitées sans doute par les tremblements d'horreur ou de joie de la lectrice. Il n'avait jamais vu Juliette travailler. Quelquefois, à Nogent, elle avait esquissé un arbre ou une fleur sur un petit album qu'elle portait toujours dans sa poche. Mais toutes les fois qu'il était entré dans son atelier, elle avait posé sa palette et ses brosses, s'interrompant de peindre. Il y avait là, chez elle, une sorte de timidité et de pudeur qu'il n'avait pas pu vaincre. Il fut surpris de la voir se mettre si librement à l'œuvre, et il lui en voulut presque des refus qu'elle lui avait proposés chez elle. Pourquoi n'avait-elle jamais voulu travailler devant lui, alors qu'elle était si peu gênée par le public ? L'idée ne lui vint pas que la même femme qui remonte discrètement sa guimpe lorsqu'elle est seule avec un homme dont le regard la trouble n'aura aucun scrupule à se décolleter le soir devant 100 personnes. Il fut resté longtemps à la regarder montant et descendant les marches de son échelle, travaillant activement, librement, sans aucune préoccupation de la galerie, si tout à coup il n'avait vu par hasard le jeune peintre qui copiait le Titien abandonner sa toile et se diriger vers Juliette. Il le devança rapidement et en quelques pas, il fut près d'elle. Cette brusquerie fit lever la tête à Madame Nélis qui, dans le trouble de sa surprise, laissa tomber son livre sur le parquet. « Comment ? C'est vous, mon cher Adolphe ? » s'écria-t-elle en poussant des exclamations, des « oh », des « ah ». Juliette était descendue et vivement elle lui tendit la main. « Je vous attendais hier, avant-hier, » dit-elle, « vous m'aviez parlé. Je n'ai pas pu venir, ma mère... »« Malade, peut-être ?» interrompit Madame Nélis. « C'était ce que je craignais. Je le disais encore ce matin à Juliette, pourvu que cette chère Madame d'Alifard ne tombe pas malade. Mes pressentiments ne me trompent jamais. Quand j'ai dit une chose le matin, il est bien rare qu'elle n'arrive pas dans la journée, ou le lendemain, ou la semaine suivante, enfin, un jour ou l'autre, tôt ou tard. » « Mais ma mère n'est pas malade, » interrompit Adolphe. « Pas malade, cela ne m'étonne pas d'elle. Une autre l'aurait été, et c'était bien certainement à une autre que je pensais quand j'avais des craintes, à une femme ordinaire. Mais votre mère n'est pas une femme ordinaire, étonnante, prodigieuse. Je le disais encore à Juliette ce matin. Madame d'Alifard tomberait malade sous le coup qui la frappe, cela ne m'étonnerait pas. Mais elle le supporterait au contraire sans en être ébranlée, que cela m'étonnerait moins encore. » Adolphe, pour arrêter ce flux de paroles, s'était baissé et avait ramassé le volume rose. C'était un roman nouvellement paru, Hermance, histoire d'une âme. Il le tendit à Madame Nélis, qui le prit sans s'interrompre. « Si vous aviez vu comme votre pauvre mère était émue dans ce moment terrible, nous le savons, nous qui sommes restés près d'elle. Cela ne paraissait pas au dehors, parce qu'elle sait se contenir et rester maîtresse de sa volonté. Mais on ne me trompe pas. Vous comprenez, quand on a souffert soi-même, on a un certain tact pour découvrir la souffrance chez les autres. En la regardant assise dans son fauteuil, les yeux secs. « Maman !» interrompit Juliette. Mais Madame Nélis ne se laissait pas couper la parole, même par sa fille. Quand elle avait commencé un récit, elle allait jusqu'au bout, passant à travers tout, et se retrouvant toujours, malgré ses échappées à gauche et ses retours en arrière. Il faut qu'Adolphe sache cela, dit-elle. Un fils ne saurait trop apprendre à connaître et à estimer sa mère. Je ne veux pas raviver des souvenirs cruels pour vous, mon cher enfant. Je veux au contraire adoucir leur amertume en y mêlant une consolation. Et c'est une consolation de savoir qu'on a pour mère une mère. Je me disais donc en regardant Madame d'Alifard, assise dans son fauteuil, les yeux secs, nous allons avoir une explosion. C'est extraordinaire comme j'ai le pressentiment de ces choses-là. Tout à coup, voilà votre maman qui se lève et s'écrie « Les panaches !» Comme j'attendais l'explosion et me tenais sur mes gardes, je ne suis pas surprise. Seulement, je suis effrayée, c'est bien naturel, n'est-ce pas ? Ne sachant quoi répondre, il inclina la tête. « Qu'allait-il se passer ?» continua Madame Nélis. « Étions-nous en présence d'une crise nerveuse ou d'une attaque de folie ?»« Tout est possible. Tout est à craindre dans de pareilles circonstances. Heureusement, je ne perds jamais mon sang-froid, si grand que soit mon trouble. Je la regarde et je lui dis doucement « les panaches ». Bien entendu, je ne comprenais pas ce que je disais, mais vous savez, c'est une règle de médecine qu'il ne faut pas exaspérer les fous. Je vous donne ce renseignement comme sûr. J'espère que vous n'en aurez pas besoin. Cependant, ne l'oubliez pas. On ne sait pas ce qui peut arriver. J'ai retenu ainsi une foule de recettes médicinales qui ne m'ont jamais servi à rien, mais qui me seront peut-être très utiles un jour. « Oui, me répond votre mère, avez-vous vu les panaches ?»« Que dire ?» Il me sembla qu'elle désirait qu'on eût vu ces panaches. Je lui dis donc que nous les avions vus. « Ah, tant mieux, » dit-elle avec un soupir de soulagement. J'avais oublié de prévenir mon beau-frère Ferdinand, qui s'est occupé des pompes funèbres, que je voulais des chevaux avec des panaches. Et je ne savais pas s'il les avait commandés. Je respirais. Ce n'était pas une crise de folie, mais une explosion de sollicitude. Alors, ne craignant plus rien, et n'ayant plus de manie à flatter, je lui dis la vérité, c'est-à-dire que je ne savais pas si les chevaux avaient ou n'avaient pas de panache, par cette excellente raison que nous n'avions pas vu les chevaux. Elle me regarda alors en face et me demanda si je perdais la tête. C'est là une petite vivacité que je lui pardonne de tout mon cœur. Je ne me fâchais point et lui dis que j'avais mal compris sa première question. Mais cette affaire des panaches la tenait au cœur. Pendant le temps que nous restâmes avec elle, elle répéta à deux ou trois reprises les panaches. N'est-ce pas admirable que dans un moment pareil, elle ait été assiégée par cette préoccupation ? Je ne connais pas de meilleure preuve de sa sollicitude et de sa tendresse. Elle eût pu continuer longtemps ainsi. Depuis quelques minutes, il ne l'écoutait plus. Juliette s'était peu à peu éloignée, et tandis que sa mère, tenant Adolphe sous sa main, se trouvait du côté gauche de son tableau, elle était passée du côté droit. Voyant cela, le jeune peintre qui tournait autour d'eux s'était approché et avait engagé avec elle une conversation qu'Adolphe tâchait d'entendre. Mais Madame Nélis, incapable d'admettre qu'on ne l'écoutât pas lorsqu'elle parlait, continuait toujours. « Il est bien certain que vous êtes victime de la fatalité. Cela ne devrait pas arriver. Votre père était la force même, il devait vivre 100 ans. Bel homme, bien bâti, solide, sain. Vous vous tenez de lui. Aussi rien ne m'ôtera de l'idée qu'il a été mal soigné par le médecin, qui n'a rien compris à sa maladie. Vous me direz que M. Clos est un excellent médecin. Je sais que c'est l'opinion admise. Ce n'est pas précisément la mienne. » D'abord, il n'est pas poli. Ainsi, il y a quelques années, votre mère étant malade, je me suis rencontré avec lui chez vous. Je lui ai soumis une objection sur le cas de votre mère, en lui indiquant une recette que je savais être excellente. Eh bien, il ne m'a même pas répondu. Il n'a pas discuté, repoussé mon idée. Il ne m'a pas répondu. On répond toujours à une femme. L'homme qui ne le fait pas ne m'inspire pas confiance. À ce moment, Juliette se rapprocha et se jeta à travers cet entretien qui menaçait de ne plus finir. « Levrault est venu, » dit-elle. « Quel malheur !» s'écria Madame Nélis, passant d'une désolation à l'autre. « Je te l'avais bien dit, nous n'aurions pas dû nous absenter. Il ne verra pas ta copie, il n'en parlera pas. Pardonnez-moi, dit le jeune peintre en intervenant. Il m'assurait qu'il en parlerait. Il connaît les talents de Mademoiselle Juliette. Merci pour cette bonne parole, mon cher monsieur Godefroy, dit Madame Nélis. Et avec un geste de souveraine, elle tendit sa main au jeune peintre. Adolphe était exaspéré. Cette intrusion du peintre, suivie de démonstrations d'amitié, le blessait au cœur. Cet homme n'était-il pas celui qui, quelques instants auparavant, parlait si librement, si grossièrement de Juliette ? À propos, continua le peintre, avez-vous vu le tableau de Francis Hérold ? Non. Eh bien, il faut y aller, chez Rolls, le sculpteur, à Passy, boulevard Suchet. C'est là qu'il est exposé. Hérold n'ayant pas d'atelier à Paris et vivant à la campagne. Un semeur vu de face qui jette sa graine en marchant d'un pas régulier. Le champ est bordé d'un côté par les arbres d'une forêt que l'automne commence à jaunir. Le semeur est grandeur nature, ce qui fait pousser des cris de paon à la critique. Comme si Paul Potter n'avait pas peint son taureau de grandeur naturelle. Le tableau d'Hérold sera un jour aussi célèbre que le Paul Potter. En attendant, ce sera la révolution du prochain salon. Jamais le paysan n'a été compris comme ça. On verra qu'on peut faire du style et de la grande peinture avec un paysan aussi bien qu'avec un romain ou un martyr. Et c'est l'œuvre d'un homme de 25 ans. Le connaissez-vous ? Non. Lui vous connaît. Dans sa dernière lettre, il me parlait de vous. Il me disait que puisque je vous vois chaque jour, je ferais bien mieux de faire une étude d'après vous que de copier mon Titien. Je vous montrerai sa lettre. Tout en parlant, le jeune peintre s'amusait à faire des plis dans la robe de Juliette avec le bout de son appui-main. Puis, de temps en temps, il lui touchait le poignet. Sans se fâcher de cette familiarité, elle repoussait l'appui-main en riant. Adolphe était fou de colère. Juliette vit les yeux féroces qu'il lançait au jeune peintre. « Allez donc travailler, » dit-elle à celui-ci. « Vous perdez votre temps et vous me faites perdre le mien. »« Au revoir, la sagesse. »« Adieu, la flânerie. » Il retourna à sa copie et Juliette se remit au travail. Adolphe vint se mettre près d'elle, du côté opposé à celui où Madame Nélis s'était assise. « J'étais venu pour vous parler, » dit-il d'une voix émue. « Eh bien, je vous écoute. Ici, je ne pourrais pas le faire librement, au milieu de ces promeneurs, de ces gens qui viennent se mêler de ce qui ne les regarde pas. Je voudrais vous voir chez vous. »« Volontiers. Venez dimanche. Je travaillerai toute la journée dans mon atelier. »« Alors, à dimanche. »« Maman, » dit-elle en s'adressant à sa mère, « Monsieur Adolphe nous promet sa visite pour dimanche. » Vous serez le bienvenu, mon cher enfant. Je n'ose pas vous inviter à déjeuner. Il était un temps où l'on déjeunait chez nous et même où l'on y dînait, mais hélas. Il resta encore quelques instants, causant de choses indifférentes, de peinture, d'exposition, puis il les quitta.